Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Charles de Gaulle, l'homme de la 5e République. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Cette manifestation positive de la volonté nationale sera le signe que le peuple français recouvre son unité et du coup les chances de sa grandeur. Vive la République, vive la France! Charles de Gaulle, qui appelle les Français à soutenir son projet de réforme constitutionnelle, instituant ce qu'on va appeler la 5e République en 1958. Rappelé d'urgence aux commandes de l'État quelques mois plus tôt, de Gaulle va en profiter pour rapidement mettre en place la réforme qu'il n'avait pas réussi à imposer après la guerre et qui avait provoqué son départ du gouvernement en 1946. On a de la peine aujourd'hui à se dire qu'il y a 35 ans, 40 ans, quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir et quand il a exercé le pouvoir pendant 10 ans, il était sans cesse critiqué et il était déchiré à belles dents dans ce qu'on appelait les dîners en ville. Dès que des gens de ce qu'on appelle la société dirigeante, la classe politique, se rencontrer entre eux, c'était pour dire du mal de De Gaulle, c'était pour déblatérer De Gaulle. Tout ce qu'il apportait était tellement contraire aux traditions de la 3e et de la 4e République, et la société politique française était tellement attachée à la 3e et à la 4e République qu'il y avait incompatibilité entre les deux. Et il était systématiquement critiqué. Et aujourd'hui, il y a une sorte de déification qui se fait autour de lui et on reconnaît qu'il a redressé la France qui était dans une situation peu enviable. Elle était écrasée, humiliée en 1940. Elle était au bord de la guerre civile en 1958. Chaque fois, il en a sorti en faisant appel au sentiment national des Français. Et c'est de cela qu'on se souvient aujourd'hui. Alain Perfitte, auteur d'une biographie de Charles de Gaulle à l'émission Scully Rencontre en 1998, pour revivre ces 10 années de pouvoir de Charles de Gaulle comme premier président de la 5e République. Mon invité est Frédéric Bastien, qui est professeur d'histoire au Collège Dawson de Montréal, auteur également, entre autres, de l'ouvrage Relations particulières, la France face au Québec après de Gaulle. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Charles de Gaulle est en quelque sorte rappelé aux affaires en 58 dans l'urgence. Dans quel contexte, en fait, on se tourne vers lui? Oui, alors c'est ce que qu'on entendait dans l'extrait d'Alain Perfitte, qui a été un ministre de Gaulle. Et donc, c'est la guerre d'Algérie dans laquelle la France s'enlise. L'Algérie était une colonie française et en 1954, il y a eu une rébellion pro-indépendance portée par le FLN, le Front de libération nationale algérien, qui se met en branle. Et donc, il y a une guerre qui se poursuit dans laquelle la 4e République s'enlise pendant 4 ans. Et en 58, il y a un mouvement qui part des Français d'Algérie. Il y avait en Algérie 10 millions d'habitants, dont 1 million d'Européens, qui étaient pour la plupart nés en Algérie. Et ces gens-là trouvent, évidemment, ne veulent pas que l'Algérie obtienne l'indépendance, trouvent que la 4e République ne mène pas bien le combat. Et donc, il y a un rassemblement pour De Gaulle et cette espèce d'idée de ramener le général au pouvoir gagne la métropole et De Gaulle devient le dernier premier ministre de la 4e République. Oui. Et ce sera très, très important. C'est le premier dossier majeur, le dossier algérien auquel il doit s'attaquer de toute urgence. C'est pour ça qu'on le ramène aux affaires. On y reviendra dans un instant, mais un petit mot quand même pour parler de cette fameuse 5e République, parce que c'est amusant. De Gaulle part en 46, claque la porte parce qu'il ne réussit pas à imposer cette réforme qu'il aurait voulu. La 4e République, effectivement, est un peu un échec. Et quand il revient au pouvoir, il en profite pour, justement, imposer cette réforme constitutionnelle, cette fameuse 5e République qu'il voulait. En quoi ça consiste, en un mot, cette fameuse 5e République, Frédéric Bastien? Ça consiste surtout à un renforcement du pouvoir du chef de l'État, du pouvoir présidentiel, alors qu'auparavant, lors des précédents régimes, le chef de l'État était un personnage avec un rôle symbolique, un peu comme la reine chez nous. Et là, lui, De Gaulle, veut qu'il y ait un vrai président avec des vrais pouvoirs, qui va être vraiment l'homme clé du régime. Et en 58, donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a une nouvelle constitution qui est votée, qui va être modifiée en 62 de façon très importante par l'élection au suffrage universel du président, qui va évidemment donner un pouvoir, une légitimité, devrais-je dire, au pouvoir présidentiel. Donc, tout ça se fait au détriment du pouvoir des parlementaires. De Gaulle trouvait que les parlementaires, les jeux de coulisses, les tractations, tout ça avait mené à l'impasse. Donc, on renforce le pouvoir exécutif. Donc, réforme majeure, celle de cette 5e République, qui pour l'instant, au moment de cet enregistrement, en tout cas, est toujours le régime constitutionnel en France. Revenons donc à cette crise algérienne. C'est vraiment la priorité des priorités quand il revient au pouvoir, quand il est rappelé au pouvoir. C'est pour ça qu'on va le chercher. Il devient président le 1er juin 58, Charles de Gaulle, de la République française. Quelques jours plus tard, il part en Algérie. Il prononce le 4 juin 58. Ça vous montre l'urgence de la situation. Son fameux « Je vous ai compris, Algérien ». Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Où en est de Gaulle sur cette fameuse question algérienne, Frédéric Bastien, au moment de ce discours du 4 juin 1958? Quel message il envoie? Quel message est reçu? C'est peut-être pas, il y a peut-être une nuance d'ailleurs, mais il en est où sur la question algérienne et qu'est-ce qu'il veut faire avec ce discours du 4 juin 1958? Alors, ce qu'il veut faire avec ce discours, c'est tout simplement, il veut gagner du temps. Ouais. Parce qu'il ne sait pas encore exactement ce qu'il veut faire. Il y a une certaine ambiguïté dans ce qu'il dit. Absolument, absolument. Et toutes sortes de propositions qui lui sont faites. Les partisans de l'Algérie française veulent une intégration complète de l'Algérie dans la France. Et là, de Gaulle va dire, voyons donc, ces gens-là ne sont pas des Français. Mon village deviendrait Colombée, les deux mosquées, va-t-il dire dans une fameuse déclaration, non pas publique, mais devant des collaborateurs. Ouais. Et donc, il veut gagner du temps, mais il sent que l'époque de l'Empire est terminée. Il faut des... Et il va dire à son gendre, il va dire, je vais chercher la solution la plus française, mais il va falloir que j'aie l'appui de l'armée, il va falloir que le peuple m'écoute, etc. Donc, il ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et les Français d'Algérie, les Pieds-Noirs, eux, autant ils sont d'abord contents du retour de Gaulle au pouvoir. En fait, il y a une méprise, là. On pense, ces Français d'Algérie espèrent beaucoup de Gaulle. Oui, ils espèrent beaucoup et de Gaulle sent bien qu'ils espèrent beaucoup et il refuse de s'engager, il refuse de dire Algérie française et il refuse d'aller de se commettre vers une solution, disons, très la solution que voudraient les Pieds-Noirs parce que justement, il veut garder ses options ouvertes. Alors, il évolue vers l'idée d'une plus grande gestion des Algériens de leurs affaires. Il va employer l'expression « l'Algérie algérienne ». Et au fond, il s'en va vers une idée d'autodétermination, mais en même temps, il veut essayer de négocier quelque chose qui va préserver un peu les intérêts de la France. Donc, il fait deux choses. Il tend la main aux rebelles en leur disant « c'est le temps de déposer les armes ». Et en même temps, il leur fait la guerre de façon extrêmement efficace, d'ailleurs. Le FLN va être annihilé militairement durant les années de guerre qui vont perdurer sous De Gaulle. Mais, paradoxalement, ça va se terminer par une défaite politique. Une victoire militaire se termine par une grande défaite politique parce que le problème vient des Pieds-Noirs qui, eux, vont commencer à vouloir pousser de Gaulle hors du pouvoir après l'avoir appelé, voyant qu'il se dirige vers l'indépendance. Bon, il va y avoir un groupe terroriste qui va se mettre en place, l'OAS, qui va tenter de tuer de Gaulle lors d'un attentat en 1962 au Petit Clamart. Donc, tout ça parce que les pieds noirs d'Algérie voient bien que de Gaulle se dirige vers l'indépendance. Mm-hmm. Et à la fin, de Gaulle en a complètement assez des pieds noirs. Il les déteste. Et il se dit, ben, tant pis pour eux. Moi, je donne les clés de l'Algérie aux musulmans. Et même si, en principe, il y avait des clauses qui ont été négociées lors, avec le FLN pour préserver le statut des Algériens français ou des Français d'Algérie, de Gaulle va dire, là, on boucle la boucle, on liquide cette question. Et tant pis pour les pieds noirs, et tant pis pour les musulmans qui se sont battus pour la France, il va liquider la question algérienne et ça va se terminer dans un bain de sang pour ceux qui vont rester sur place, les musulmans s'étant battus pour la France. Et les pieds noirs, eux, vont quitter l'Algérie presque tous par crainte de représailles. Et donc l'Algérie deviendra indépendante. Sur le plan des relations étrangères, de Gaulle va aussi poursuivre une politique d'abord de grandes ambitions. Hein. De Gaulle a toujours été un homme qui avait de grandes ambitions pour la France et pour lui-même, diraient certains. Il va mener une politique d'indépendance nationale, en fait, très forte sur le plan des relations étrangères. Ça commence par les États-Unis. Il veut que la France se détache ou indépendante de cette grande, de cette superpuissance américaine à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Comment ça va se manifester, cette indépendance française par rapport aux États-Unis? Oui, alors de Gaulle veut remplacer l'Empire français qu'il a liquidé parce qu'il n'avait pas le choix. Donc, il veut qu'il y ait la France doit trouver de nouveaux moyens pour rayonner, pour justifier son rang de grande puissance. Et la guerre froide a forcé les alliés occidentaux des États-Unis à s'aligner systématiquement sur les États-Unis. De l'autre côté, il y a le bloc de l'Est où Moscou a satellisé les pays d'Europe de l'Est. Alors, de Gaulle pense qu'il faut essayer de mettre un terme à cette guerre froide, à tout le moins de mettre un fin à cette logique d'alignement des pays sur l'un ou l'autre des grands, l'une ou l'autre des grandes superpuissances. Et évidemment, pour la France, ça veut dire qu'elle doit prendre ses distances des États-Unis. Ouais. Donc, il y a d'abord l'idée de développer la bombe nucléaire, qui était déjà en place, qui était déjà lancée avant de Gaulle, mais de Gaulle va appuyer sur l'accélérateur. Pour lui, la bombe atomique obtenue par la France sous son égide, donne à la France, justifie son rôle de grande puissance et lui permet de dire, par exemple, aux Américains que la France ne veut plus de bases américaines en territoire français, que la France va se retirer du commandement intégré de l'OTAN, que la France, autrement dit, prend une position plus distante des États-Unis pour pouvoir porter un message de liberté au peuple du monde. C'est l'idée de Gaulle. Sur la question européenne, de Gaulle aussi va afficher une politique. C'est la même logique, une politique d'une certaine grandeur de la France, une politique nationaliste. On l'écoute lors d'une conférence de presse devenue célèbre à ce sujet en mai 1962. Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italiens, Allemands et Français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapük intégrés. Comment résumer? C'est savoureux, cet extrait, Frédéric Bastien. Comment résumer la vision qu'a de Gaulle de l'Europe? Oui, effectivement, cet extrait où il parle de ce langage, l'espéranto et aussi le volapük qui devait être une espèce de langage international, mais des langues internationales qui, évidemment, n'ont jamais émergé comme telles parce qu'elles étaient désincarnées. Ouais. Et donc, de Gaulle est un partisan de l'Europe des nations et il est un partisan d'une Europe anti-fédérale. Pour lui, fédérer des nations, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est le contraire de la direction dans laquelle on doit aller. Et de façon un peu paradoxale, si je puis dire, de Gaulle a une vision très britannique de l'Europe, alors même qu'il n'est pas très en faveur de l'intégration. En fait, il n'est pas du tout en faveur de l'intégration de la Grande-Bretagne dans ce qu'on appelle à l'époque le marché commun, parce qu'il trouve que les Anglais sont trop collés sur les Américains, que les Anglais dans le marché commun, justement, vont être une espèce de cheval de Troie des Américains, ce qui va empêcher l'Europe de jouer un rôle indépendant, dans laquelle la France pourrait avoir un leadership, si vous voulez. Mais Là-dessus, si on prend la vision du Brexit, on est dans l'ère post-Brexit maintenant, c'est la vision de Gaulle, c'est de dire que cette idée que l'Union va toujours être plus grande, plus forte, plus tissée, serrée, et que c'est ça la direction de l'histoire, c'est complètement l'antithèse de ce qu'on doit faire. L'Europe doit respecter les nations, le génie propre de chaque pays, et ne pas tenter de les homogénéiser. Donc l'Europe qui veut, c'est une Europe qui coopère de pays à pays, où on peut faire des choses ensemble sans jamais faire une fusion. Oui, avec un axe, un moteur principal qui est franco-allemand. Pour lui, ça, c'est assez clair. L'Europe, c'est d'abord la France et l'Allemagne. Absolument. Et dans le projet européen de l'époque, et ça, c'est très, très fort à l'époque de Gaulle, un peu moins aujourd'hui, c'est l'idée d'une réconciliation franco-allemande. Ouais. On a un peu oublié ça aujourd'hui. Donc, l'Europe est portée par ce projet très noble de réconcilier la France et l'Allemagne. Donc, à l'époque de Gaulle encore, les diplomates allemands se font lancer des roches à Paris. Enfin, quand ils circulent en auto, il y a une hostilité qui est encore assez forte. Et là, de Gaulle, je pense, va faire beaucoup cheminer les deux pays parce qu'il est auréolé, évidemment, de son rôle durant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand lui dit, voilà, il faut maintenant se réconcilier avec l'Allemagne, donc il est bien placé pour... convaincre et il parlait couramment allemand. Donc, il va jouer un rôle là-dessus, je pense, assez important dans l'idée que l'heure est venue de tourner la page et de coopérer. C'est la meilleure façon, n'est-ce pas, de ne pas se faire la guerre. Oui, ben voilà, parce que c'est aussi ça, cette Europe, cette idée européenne. Puis ça, c'est vrai qu'on l'oublie avec le temps, mais c'est l'Europe pour ne plus qu'il y ait de guerre, en fait, pour éviter des guerres prochaines, entre autres avec l'Allemagne. De Gaulle est réélu président en 1965. Les temps changent. Ce vieil héros de guerre est d'une certaine manière dépassé par tous ces mouvements de la contre-culture militante de mai 68. Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache. Il en résulte que notre pays est au bord de la paralysie. Devant nous-mêmes et devant le monde, nous, Français, devons régler un problème essentiel que nous pose notre époque, à moins que nous nous roulions à travers la guerre civile, aux aventures et aux usurpations les plus odieuses et les plus ruineuses. Depuis bientôt 30 ans, les événements m'ont imposé en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. J'y suis prêt, cette fois encore, mais cette fois encore, cette fois surtout, j'ai besoin, oui, j'ai besoin que le peuple français dise qu'il le veut. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent! Frédéric Bastien, comment Charles de Gaulle va-t-il vivre ces événements de mai 68? Il va les vivre très mal. Ouais. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Je pense que c'est le seul moment dans sa carrière politique où il est décontenancé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Vraiment, donc je pense que c'est le bon mot. Et il faut dire aussi, c'était quand même surprenant, c'est cette espèce de révolte étudiante qui va faire boule de neige ensuite en amenant les... plusieurs syndicats se mettent également en grève. Alors, ça commence entre autres par, c'est pas la seule revendication des étudiants, mais par le désir des étudiants masculins de visiter les étudiantes dans la résidence des filles. Et bon, pour De Gaulle, tout ça, évidemment, c'est pas... D'abord, un, c'est pas très important. Et deux, pour lui, il a de la difficulté à voir pourquoi tout ça devient une grosse crise. C'est l'ampleur que ça prend. Oui, c'est ça, parce que lui, c'est l'homme de... Il prend pas ça au sérieux. C'est l'homme, on l'a dit, de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie. Et là, tout d'un coup, cette affaire de résidence, révolte universitaire qui prend une ampleur qu'il n'avait pas du tout anticipée, que personne n'avait anticipé d'ailleurs, mais... Et donc, il perd ses repères. C'est vraiment le cas de le dire. Lui, l'homme des grandes occasions, l'homme qui se voit comme la continuité de la France, il est devant la contre-culture des années 60 qui émerge justement lors de mai 68, entre autres. Et là, il est déphasé et dépassé par rapport à une partie de la jeunesse. Ce n'est pas toute la jeunesse qui est dans mai 68, mais il y a une partie, évidemment, qui est fortement mobilisée et il ne sait pas quoi faire. Ouais. C'est vraiment... Il y a comme une page qui se tourne. Hein. C'est l'homme d'une autre génération, un leader qui ne correspond plus. En politique, il faut être en phase avec le peuple qu'on dirige. Là, il y a comme... On n'est plus sur la même fréquence. De Gaulle, c'est un leader charismatique, c'est ça. Alors là, il n'est plus en phase. Et il va arriver deux choses durant mai 68. C'est son premier ministre qui va prendre les choses en main, Georges Pompidou, qui va négocier avec les syndicats, qui va réussir à un peu ramener les choses, rétablir l'ordre, la paix, etc. Alors qu'il y a des manifestations, on l'entendait très bien dans l'extrait. Et Pompidou émerge en homme du recours. Ouais. Et ça, c'est la première fois en France qu'il y a pour plusieurs personnes, notamment dans les supporters de De Gaulle, dans les électeurs de droite. Là, il y a quelqu'un qui peut succéder au général. Et ça, ça le place dans une situation difficile. Et donc, ça va nuire, ça va faire un peu l'handicaper. De Gaulle, il va se départir de son premier ministre, qui a pourtant sauvé les meubles lors de mai 68. Et là, ça crée une espèce de malaise dans la population et au sein de la classe politique. Ouais. Charles de Gaulle finit par quitter le pouvoir en 1969. Frédéric Bastien, dans quelles circonstances? Pourquoi de Gaulle part-il? De Gaulle fait un référendum sur une réforme du Sénat et aussi il veut permettre une plus grande participation des ouvriers dans les entreprises, plus grande régionalisation. Il y a toute une série de mesures qui sont proposées aux Français par référendum. Mais le vrai débat, au fond, c'est pour beaucoup d'électeurs, est-ce qu'on veut encore de Gaulle à la tête du pays? Et là, on dirait qu'il y a une certaine fatigue. Il y a comme une espèce d'aspiration chez certains de ses appuis, de ses électeurs, à des temps plus tranquilles. Et il y a donc, comme je le disais, ce recours de Georges Pompidou qui fait que de Gaulle va perdre ce référendum en 1969 et il va quitter le pouvoir immédiatement le lendemain. Qu'est-ce qui reste, Frédéric Bastien, de cette figure immense de Gaulle dans cette France d'aujourd'hui? Je pense que c'est un monument de la mémoire et dans ses mémoires, justement, il dit ceci, « Puisque tout recommence toujours, tout ce que j'ai écrit, fait durant ma carrière sera un jour une source d'inspiration pour les nouvelles générations. » Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège d'Assun, habitué de l'émission. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.